La perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Faire un film, écrit le réalisateur Claude Sautet, c'est être dans une éternelle quête de combinaison, à la poursuite de quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on sait l'existence et qu'il faut trouver. Le mot « combinaison » est un mot que j'aime bien. À mes yeux, c'est presque un programme philosophique. On vit une oscillation permanente entre le trac et la jubilation des combinaisons pour s'en sortir. Mais pour s'en sortir vers quoi? Vers ce quelque chose qu'on ignore et qu'on voudrait exprimer. La vie, c'est l'incertitude. Voilà ce que je crois. La dramaturgie de la vie, c'est l'incertitude. Comment communiquer l'émotion? Ce sont évidemment des fascinations morales ou esthétiques qui vous poussent dans les choses de la vie. Et c'est parce qu'il y avait un accident, sans autre raison. Il fallait oublier le livre complètement et ne garder qu'une impression. Et à partir de là, tout reprendre à zéro, comme un morceau de musique, en cherchant comment les choses peuvent commencer, comment elles se développent, comment elles arrivent et comment elles se finissent. J'ai cru que j'allais mourir. Si je m'étais tué, on aurait trouvé la lettre. Vous savez, c'est un personnage d'une telle simplicité, d'une telle clarté. Je vais essayer de m'expliquer. Quand un homme arrive, comme on dit, au milieu de sa vie, c'est-à-dire qu'il a déjà tout un passé, des attaches, des souvenirs, et qu'en plus il essaye de se créer une autre vie, ce qu'il se passe dans les choses de la vie, et qu'il imagine le futur. Je trouve très intéressant parce que je crois que tout moment présent, toute action d'un individu est complètement conditionnée par son passé, par ses souvenirs, par ses actions. Si je m'étais tué, on aurait trouvé la lettre. On l'aurait donné à Hélène. Il faut absolument que je la déchire. Je crois que c'est le plus beau rôle que j'ai joué. J'aimais beaucoup cette histoire et j'avais très envie de tourner avec Claude Sautet et de retravailler avec Michel. Et puisque je tournais avec un des plus grands metteurs en scène du monde et je retravaillais avec un des plus grands acteurs du monde, ça a été facile, c'était très beau, c'était... Et le film me touche profondément. Bonjour Ntebin. Bonjour Adèle. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous pour nous parler des choses de la vie. Le film de Claude Sautet, vous êtes d'ailleurs critique et enseignant de cinéma, mais aussi le co-auteur d'un livre qui s'appelle Sautet par Sautet, publié aux éditions de La Martinière en 2005, qui est devenu une espèce de bible pour les réalisateurs et les gens du cinéma aujourd'hui. On y lit notamment la citation que j'ai lue, « La vie, c'est l'incertitude. La dramaturgie de la vie, c'est l'incertitude. » Ça s'applique parfaitement au film « Les choses de la vie », n'est-ce pas ? Oui, absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette citation, Claude Sautet, il cite aussi la musique. Mmh. Et la musique, c'est aussi une partition à suivre. Et il y a à la fois l'incertitude de l'exécution de la partition, mais l'existence de cette partition qui nous guide. Et je pense que ça, c'est absolument essentiel pour comprendre le cinéma de Claude Sautet. C'est-à-dire qu'il y a lui comme guide, comme chef d'orchestre de la partition, et puis il y a l'expression, notamment de ses interprètes, mais pas uniquement, aussi de ses scénaristes, du compositeur Philippe Sard, qui exécute quelque chose que lui avait dans la tête. C'est ça, lui se qualifie même souvent de chef d'orchestre, en fait, allant encore plus loin dans la comparaison avec la musique que vous venez de faire. Oui, les métaphores avec Sautet, c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire ça peut être réducteur aussi. C'est-à-dire qu'il se considérait comme un chef d'orchestre, d'une part, et il se considérait aussi comme un artisan, comme un ébéniste, qui façonne, qui construit. Il faut que chaque pièce soit parfaite et s'intègre à l'ensemble, bon, ce qui rejoint un peu le chef d'orchestre. Mais disons qu'il n'y avait pas que le côté j'agite les bras et puis les gens font ce qu'ils ont envie de faire en me regardant. Il y a aussi je façonne, me nuise, comme disait un personnage de Casque d'or de Jacques Becker, un cinéaste qu'admirait beaucoup Claude Sautet. Alors on va essayer de réfléchir aujourd'hui au jeu de Michel Piccoli, à qui nous consacrons cette semaine, dans l'univers de Claude Sautet. Hier, on parlait du mépris de Godard avec Hélène Frappa et la problématique de Godard dans tous ses films, et en particulier dans Le Mépris, c'est de savoir comment filmer l'incommunicabilité entre les êtres, surtout entre l'homme et la femme. Et Michel Piccoli, avec cette espèce d'indifférence incarnée, permettait à Godard de filmer ce problème-là. Chez Sautet, et dans ce film, la question c'est peut-être comment filmer les choses de la vie qui sont à la fois les plus simples et les plus essentielles. Au cinéma, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de facile ou de difficile de filmer les choses de la vie? Ça paraît simple et pourtant c'est un défi. Alors, en fait, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que, et ce paradoxe, à mon avis, est au cœur du cinéma de Claude Sautet. Il y a ce qu'on filme, c'est-à-dire ce qu'on montre à l'écran, qui sont souvent des objets, des visages, des comportements. Et puis, il y a les émotions, ce que le spectateur ressent en voyant ces choses montrées. Et les émotions peuvent être à contrario ou en opposition avec ce qui est montré. Mmh. Et je crois que c'est ça qui intéressait Sautet. C'est-à-dire qu'il y a l'apparence, il y a ce qu'il y a à l'écran, et puis il y a ce qu'il y a derrière. Et l'intérêt, c'est de montrer l'un pour faire sentir l'autre. Et je crois que c'est de là que naît la justesse du cinéma de Sautet. Alors par exemple, essayez de prendre un exemple pour être concret avec les choses de la vie. Qu'est-ce qu'il montre pour montrer quelque chose qui ne se voit pas? Alors l'exemple le plus, disons, le plus simple des choses de la vie, c'est qu'il montre un homme qui est apparemment inconscient, dans le coma, allongé dans l'herbe après un accident de voiture. Il montre ça à l'écran. Et puis au son, on entend la voix intérieure de cet homme qui, contrairement aux apparences, entend tout ce qui se passe autour de lui, mais ne peut pas parler. Et ça, c'est qu'en fait, identifie Piccoli à notre condition de spectateur. Le spectateur, c'est la même chose. Quand il voit un film, il entend tout, il voit tout, mais il ne peut pas parler. Donc, vous voyez, il y a des tas de subtilités comme ça qui font que le cinéma de Sautet s'insinue finalement dans la subjectivité du spectateur de cinéma qui est en train de regarder le film. Et en quoi est-ce que Michel Piccoli serait un acteur particulièrement propice à exprimer l'univers même de Claude Sautet, puisqu'il a beaucoup tourné avec lui? Il a beaucoup tourné avec lui, mais là, c'était la première fois. Ouais. Et alors, on va peut-être en reparler, mais ce film est une renaissance ou une naissance pour beaucoup de gens qui ont participé à la fabrication du film. Et Michel Piccoli, c'est quelqu'un qui a une très longue carrière déjà derrière lui, mais pas une carrière de vedette, pas une carrière de premier rôle, du moins au cinéma. Il est au théâtre, il a joué dans plein de films, parfois des grands films, mais ça n'est pas une star. Et il va y avoir comme ça un moment précis où toutes les expériences passées de l'acteur Piccoli, mais aussi, à mon avis, de l'être humain Piccoli, vont se cristalliser, mais pas que de Piccoli d'ailleurs, de Claude Sautet, de Jean-Loup Dabadi, de Romy Schneider, vont tout d'un coup exploser avec ce film totalement par hasard. C'est un film qui naît d'une succession de hasards et de circonstances. Il y a Daniel Toscan-Duplantier, le grand producteur, qui disait il y a trois sortes de films. Il y a les films qui sont en avance, il y a les films qui sont en retard, et il y a les films qui sont juste à l'heure. Eh bien, en 1970, Les choses de la vie est un film qui est juste à l'heure, non seulement pour les différents participants de la réalisation du film, mais aussi pour le public du film, pour la critique, pour c'est un film qui va devenir très rapidement mythique. Alors on y va, Les choses de la vie sort le 13 mars 1970, le scénario est de Claude Sautet, Jean-Loup Dabadi et Paul Guimard, qui a écrit un roman qui s'appelle Les choses de la vie, dont ce film est l'adaptation. Paul Guimard voulait voir ce roman adapté au cinéma et c'est donc Claude Sautet qui va le réaliser. Le film commence avec une scène qui nous insère directement dans Ces choses de la vie. Là, le titre devient un euphémisme puisqu'il s'agit d'un accident de voiture. Voici la voix de Claude Sautet et puis le début du film. L'accident de voiture est un phénomène quotidien depuis que la voiture est ce qu'elle est. Mais à l'époque, effectivement, comme c'était une époque de société de consommation, L'idée d'avoir une Alfa Romeo métallisée du état sprint, c'était un homme qui n'avait pas de problème dans la vie, voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, que ce soit à lui qu'arrive l'accident, lui qui est dans une incertitude intellectuelle, morale, sentimentale, ça correspondait à un stress de l'époque. C'est-à-dire que ces gens n'avaient pas de problème au sens social du mot, mais du coup, ils en avaient à l'intérieur d'eux-mêmes, voilà. Mmh. Alors, ça permettait de développer l'accident d'une certaine façon, en le décomposant, en le ralentissant, en le coupant par les gens qui l'avaient vu. Enfin, c'était une espèce de montage qui mettait en cause, comment dirais-je, et l'état interne du personnage et ce qui cause l'accident, lui y compris, mais les autres aussi, et les spectateurs, les gens qui s'arrêtent pour voir. Je crois qu'il y en a 15. Il est mort ? Non, il est évanoui. Il a de la chance. Ils disent qu'il n'est pas mort. Je me dis, j'ai le temps, je cale. Merde, j'y peux rien caler. J'essaie rien à foutre. Lui, forcément, il se dit, je passe devant comme j'étais presque arrêté. Mais il y avait lui en face. Alors, il freine, mais il roulait au moins à 100. Alors, il dérape en crabe, quoi. Je vois qu'il m'arrive dessus, je me dis, ça y est, il me rentre dedans. Au dernier moment, je sais pas, 10 mètres même pas, il arrive à redresser, il me passe derrière. Je dis ouf, bravo, bam, il m'accroche par derrière. Alors là, après. Ouais, après, c'est simple, tête à queue, il vient rebondir sur moi, et puis le machin, le fossé. Et deux roues dedans. Il avait beau essayer, rien à faire. Alors hop, tonneau, la glissade, et le pommier, quoi. Quand on dit que le film commence avec un accident, on ne dit pas grand-chose. En réalité, la première image que l'on voit à l'écran, c'est une roue, un pneu détaché de la voiture qui roule seul sur la route. On se doute bien que la voiture ne doit pas être loin et qu'il s'agit d'un accident. Et puis on entend, vous l'avez entendu, le commentaire des badauds et des protagonistes de l'accident qui commentent. Et à l'image, on voit une espèce de succession quand l'accident a lieu de gros plans, de ralentis qu'on retrouvera plus tard dans le film, si bien qu'on est entre le reportage photo, le reportage journalistique et l'attention à un petit détail dans lequel se trouve le geste artistique sans doute. Comment c'est le film avec ce pneu qui roule, N.T. Billy ? Oui, on ne voit pas l'accident, on sait qu'il y a un accident. En fait, le début des choses de la vie, c'est une bande-annonce en fait. Et pendant tout ce prologue, on ne va pas voir Michel Piccoli, ni Romy Schneider, on va pas voir les acteurs, on va voir que des silhouettes, des figurants, des rôles secondaires, qui finalement sont nous. C'est-à-dire, ce sont les spectateurs de l'accident. On voit les spectateurs de l'accident avant l'accident. Donc on sait qu'à un moment donné dans le film, il va y avoir un accident, mais que du coup, on va nous montrer en flashback. Et c'est là que le film est assez diabolique. Et sa construction est hyper sophistiquée. C'est-à-dire, ça a l'air d'être un film très grand public, sentimental, romanesque, alors que c'est un film qui est influencé par le cinéma moderne. C'est du Fellini plus du Bergman. La temporalité est complètement explosée. Et malgré tout, et ça c'est une des grandes qualités du cinéma de Claude Sautet, on a l'impression que c'est naturel, que tout se déroule naturellement. Mmh. Alors, l'idée géniale de Jean-Loup Dabadie, c'est de transformer la narration du roman, qui était un flashback à la première personne, de quelqu'un qui se souvenait, de transformer ça en un film, c'est-à-dire le cinéma, c'est toujours au présent. Le cinéma n'est jamais au passé, ni au futur. Le cinéma, tout ce qu'on voit, on est en train de le voir, et c'est au présent. Donc, on va mélanger les temporalités. Et comme on commence le film par cette espèce de constat d'accident, mais on ne sait même pas à qui cet accident est arrivé, eh bien, il y a cette idée de partir en marche arrière, c'est-à-dire le film qui se déroule à l'envers, pendant tout le générique, où la voiture roule à l'envers, où la roue fait le chemin inverse. Pendant qu'on a les gens qui ont participé au film, qui apparaissent, dont les noms apparaissent à l'écran, nous, on va partir en marche arrière jusqu'à quelques heures, on va dire, avant cet accident. Donc, ça instaure un suspense énorme. C'est-à-dire que on va se demander, mais comment et pourquoi cet accident va arriver, alors qu'on est en train de faire connaissance, avec un peu de retard, avec les personnages principaux, c'est-à-dire Romy Schneider et Michel Piccoli, tout nus dans un lit. Oui. Et comment, on y arrive. Voilà. Comment est-ce que l'un va amener à l'autre? Eh bien, ça va être justement ce qu'on va nous montrer dans le film. Mais on ne sait pas encore comment. C'est ça qui est génial. Oui, et puis c'est cette brèche-là dans laquelle Sautet s'insère dès la première image qui est particulièrement intéressante. Il dira « L'idée qui m'a séduit dans ce problème de construction du film, c'était de partir de l'accident, de se trouver d'emblée au sein d'un fait divers de la route, une voiture en feu, un corps inerte dans un pré, l'attroupement des curieux, les commentaires, les premiers secours. Et d'un seul coup, on allait voir comment c'était avant. Un homme entre deux vies, dont la faute ou l'erreur, c'est d'hésiter. » Et là, on retrouve l'incertitude que je citais en début d'émission, l'hésitation, l'incertitude. On sent que ce sont ces choses-là qui lui sont chères et qu'il essaye de remontrer à l'écran. Et quelle meilleure façon de montrer que les choses ne sont pas déterminées, qu'elles ne sont pas décidées, que de commencer avec un accident, c'est cohérent. Oui, mais vous avez quand même cette ambiguïté qui est que, comme on nous montre qu'il va y avoir un accident, eh bien, il y a quand même une sorte de fatalité qui est en jeu. Ce que nous ne connaissons pas, ce sont les rouages de cette fatalité. Donc, c'est clair que c'est une tragédie, mais c'est une tragédie où l'enchaînement des circonstances va être véritablement ce qui va nous plonger dans l'action dramatique, alors que l'issue nous est déjà connue d'avance. C'est un compte à rebours. Oui. Mais la certitude est psychologique, elle n'est pas scénaristique. En effet, vous avez raison, on est comme face à une tragédie grecque, on connaît la fin, enfin on sait qu'il va y avoir un accident. En revanche, on ne connaît ni les raisons de l'accident, qui elles tiennent quand même au hasard, ni la psychologie du personnage, le flux intérieur qui en fait fait d'hésitation, et surtout dans la dernière partie du film, et qui va conduire la narration elle-même. Oui, mais d'un autre côté, alors, vous avez prononcé un mot qui à la fois faisait fuir Sautet, mais en même temps nourrit son cinéma, c'est le mot de psychologie. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, Claude Sautet, il est très influencé, il aime beaucoup Ingmar Bergman. Et d'ailleurs, Les choses de la vie a des choses en commun avec certains films de Bergman, avec la voiture des fraises sauvages, avec le personnage qui refuse de parler qu'il y avait dans Persona. Mais il y a une chose que Sautet n'a pas en commun avec Bergman, c'est que ces personnages, oralement, n'arrivent jamais à s'expliquer. Donc, il n'y a jamais d'explication psychologique dans le cinéma de Claude Sautet. Ce qui veut dire quoi? C'est que c'est au spectateur de déduire des images qu'il voit à l'écran et des sons qu'il entend, la psychologie des personnages. Elle n'est jamais affichée, elle n'est jamais expliquée. Et c'est là qu'intervient le rapport de Claude Sautet avec ses acteurs, Michel Piccoli, Romy Schneider. C'est-à-dire que ce sont des comédiens qui peuvent dire une chose et psychologiquement, avec leur regard, avec leurs attitudes, leurs gestes, leurs mouvements, faire passer un autre discours. Et c'est ce discours-là qui intéresse le cinéaste Claude Sautet. La pierre angulaire du cinéaste, c'est la direction d'acteur pour moi. C'est-à-dire le respect de l'acteur, de son métier et de sa nature. Mais il est certain qu'on ne peut pas dire à un acteur « Allez-y, faites ce que vous voulez. » Parce qu'un acteur n'est pas spécialement fait pour penser et pour inventer des mots et des situations. C'est comme à nous de le faire. Donc nous devons tout faire pour arriver à ce qu'un personnage auquel nous pensons arrive à une synthèse étroite avec l'acteur que nous choisissons. L'acteur que nous choisissons, nous lui demandons d'entrer complètement dans ce personnage. Et à ce moment-là, il y a une espèce d'échange très étroit entre ce que l'acteur peut donner et que nous devons respecter, ce qu'il peut donner et que nous ne voulons pas respecter, et ce que nous attendons de lui. Dans cet ordre d'idée, évidemment, le cas de Michel Piccoli et de Romy Schneider est un cas assez exceptionnel en France, bien que Romy soit allemande, je veux dire. C'est-à-dire qu'aucun des deux n'a une attitude de vedette, aucun des deux ne cherche à entretenir un mythe de lui-même. Ce sont des acteurs au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire que entièrement livrés aux personnages qu'ils doivent jouer. Les premières scènes que l'on tourne avec eux, on cherche à trouver des scènes qui soient assez libres pour leur donner confiance dans l'existence de leur personnage sans même situation. Et après seulement, on peut aborder les situations. Mais ils ont confiance en eux et on peut leur parler sans complexe. Finis de traduire ma page, je te fais le café. Ah, verdammt nochmal. Dis-moi, quel est le mot pour... En français, pour mentir. Enfin, pas mentir, raconter des histoires. En allemand, c'est verschönen. Ça veut dire mentir, mais quand on invente. Affabuler. C'est ça. Affabuler. Deux F. Ah, oh, Herrgott, maman. C'est la maison de l'île de Ré? Oui. Il a quel âge, ton fils, là? Je sais pas, 15-16. C'était il y a 3 ans, je crois. Elle était belle, Catherine. Elle est toujours belle. Oui. Tu m'y emmèneras? Tout de suite, si tu veux. On part, fais ton sac, on revient lundi. Ah, je dis ça, mais je ne veux pas y aller. Je ne veux pas d'une île qui a déjà servi. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es vieille et laide. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Michel Piccoli cette semaine, aujourd'hui dans l'univers de Claude Sautet et en particulier dans Les choses de la vie, dans lequel il joue avec Romy Schneider que vous venez d'entendre, en compagnie de Ntebin qui est avec nous depuis chez lui. Vous avez entendu le témoignage de Claude Sautet qui parlait de la manière qu'il avait de diriger ses acteurs. C'était une archive du 9 juin 1971 de France Culture d'ailleurs. Et ensuite, la première scène en fait du film après le générique et après celle de l'accident, cette entrée dans l'intimité de Piccoli et de Romy Schneider. Si vous l'avez vu, vous vous souvenez de ces images, la nuque dégagée de Romy Schneider avec les cheveux relevés en un chignon qui est en train de taper la machine à écrire et Michel Piccoli derrière qui fume sa cigarette et qui l'observe. On reviendra sur ce regard ensuite, Ntebin. Mais d'abord, peut-être dites-nous, ce jeu d'acteur, comment est-ce qu'il confirme ce que disait Sautet par ailleurs? Oui, alors Sautet, il me disait aussi quelque chose de très intéressant. Il disait... faut pas demander à un acteur ce qu'il n'est pas à droit à faire, parce qu'il n'y arrivera pas. C'est comme, là c'est moi qui dis, mais c'est comme demander à un clarinettiste de jouer au piano. Donc voilà, s'ils savent pas au départ le faire, c'est même pas la peine de leur demander. Mais une fois qu'on leur a demandé quelque chose qu'ils sont à droit à faire, il faut désamorcer, c'est-à-dire leur demander quelque chose qui va exposer leur vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait avant. Avec leur instrument. Parce que c'est dans cette faille, dans cette vulnérabilité, que l'émotion va se transmettre d'abord au cinéaste et ensuite au spectateur. Et pour parvenir à ça, Claude Sautet, souvent, il disait qu'il racontait des histoires qui manipulaient ses acteurs. Il leur racontait une histoire pour qu'ils arrivent à sortir ce que Sautet souhaitait, mais juste après, une fois qu'il l'avait obtenu, il disait à ses acteurs, il démythifiait, c'est-à-dire il leur disait, tu sais, là, je t'ai dit ça pour que tu joues comme ça, mais en fait, je te racontais des histoires. Il a fabulé, comme dit le personnage dans le film. Mais oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une réplique de Dabadi que j'adore. C'est à un moment, quand elle cherche le mot, elle dit, mais mentir quand on invente. Moi, ça, je trouve ça génial, parce que c'est exactement, voilà, c'est les choses de la vie. C'est le problème des gens qui mentent, mais qui en même temps inventent, et qui du coup ils rêvent, et qui du coup ils créent. Et donc cette création dans la vie des gens qui ont fait le film va mener à ce triomphe qui est les choses de la vie, mais dans la vie intime des personnages qui sont décrits à l'écran, eh bien c'est ce qui aboutit à leur malheur. À leur malheur, oui. À leur malheur, parce que... ce sont des personnages qui vont être victimes d'une fatalité, qui est celle de l'accident, fantasmée par voilà, les créateurs du film. Mais c'est une catharsis, enfin, c'est la fonction même de la tragédie grecque. C'est une manière de voir le film. On peut aussi envisager le film comme racontant les infinies subtilités qui composent les sentiments humains et qui font qu'un homme peut tantôt aimer une femme, tantôt vouloir s'en séparer, tantôt vouloir l'épouser et elle se tromper sur le sens du regard qu'il jette sur elle au réveil. Et c'est là où, à mon sens, le film est extraordinaire, véritablement. Ce qu'il montre à quel point les sentiments amoureux sont extrêmement complexes et comment on se trompe toujours. Ah oui, mais c'est ce dont on parlait sur l'incertitude. Ouais. Et la métaphore avec la musique est intéressante, parce que Claude Sautet, il avait deux passions, c'est Jean-Sébastien Bach, d'une part, et d'autre part, le jazz. Donc, la combinatoire, la rigueur, la musique classique, dans tout ce qu'elle a de plus voilà, ordonné, et puis d'autre part, la liberté du jazz. C'est comme ça qu'il dirigeait ses comédiens, à mon avis. Mmh. C'est-à-dire qu'il leur donnait le thème, mais les comédiens devaient être capables de jouer les variations. Et ça, c'est un peu aussi une philosophie de la vie, des rapports humains, du couple, des relations amoureuses, pour Claude Sautet, mais qu'il a su, comment dire, transmettre à tous ses collaborateurs, puisque le cinéma est un art de collaboration, et ça a donné justement ce film exceptionnel. Alors on ne sait pas trop pourquoi les choses commencent à mal tourner dans le film. Cette première scène semble célébrer l'idylle d'un couple. Mais si on s'en réfère au roman de Paul Guimard, on a peut-être un indice. Et je vais vous lire cinq lignes du roman qui changent le regard qu'on porte sur cette première scène. On croit voir deux amants éperdus l'un de l'autre, qui observent la beauté du corps de l'un et de l'autre. Et pourtant dans le roman on lit ceci, donc au réveil, elle m'a dit... « Pourquoi me regardes-tu comme cela ? Je ne pouvais pas lui expliquer. Elle était très belle et la nudité lui allait bien, mais sur ce corps dont je croyais n'ignorer rien, voici que j'apercevais une différence, une modification de plus. Existait-il la veille cet imperceptible fléchissement de la silhouette, cette inexactitude de la chair à suivre fermement les jeux de muscles, de relâchement presque invisible d'un corps pourtant au comble de la grâce ? On ne devrait pas laisser aux jeunes gens ces corps qu'ils gaspillent et dont ils ont l'impudence de croire que la perfection et la docilité vont de soi. » Cet extrait est sublime et glaçant parce qu'au fond, ce qu'on comprend en le lisant, c'est que le regard que jette Michel Piccoli sur Romy Schneider n'est peut-être pas un regard d'amour, mais un regard d'un homme qui constate que sa femme est en train de vieillir. Et ça, c'est terrible. Et oui, mais enfin, bon, alors je vous rappelle une chose, c'est que Claude Sautet n'avait pas lu le roman de Guimard lorsqu'il a fait Les choses de la vie. Il a lu le livre après. Et il a dit, heureusement que je ne l'ai pas lu. Mais Dabadi a lu le roman de Guimard, et Guimard a contribué au scénario. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, c'est là que vous avez la différence entre la littérature et le cinéma. Mmh. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au cinéma, ce qui est montré à l'écran, c'est une suite de détails, finalement. Et ce qu'aime montrer Claude Sautet dans ses films, ce sont des détails qui clochent, qui ne vont pas, qui ne sont pas de la perfection, justement, qui sont aussi faillibles que nous, qui ont nos défauts. Alors là, il rejoint peut-être le surréalisme, André Breton, Nadja, enfin... après, quand on s'en souvient, eh bien, peut-être que on aime ces souvenirs plus à cause de leur ou grâce à leurs défauts que grâce à leur perfection. Et ça, c'est quelque chose qui définit même le titre, à mon avis, pour Sautet, des choses de la vie, c'est-à-dire que ce sont des détails qui clochent, mais qui finalement, ce sont eux qui nous font aimer la vie. Et alors, ce sont des choses qui sont un mégot de cigarette. On fume beaucoup dans ce film, hein. C'est un film des années 60-70, donc on n'arrête pas. Et un mégot dans un cendrier est aussi important qu'une longue tirade pour dire « je t'aime, je t'aime pas, tu me trompes », etc. Il y a un volet qui bat. Il y a une lettre qu'on écrit, les accessoires, les petits détails, les petits gestes. Voilà, Romy Schneider qui veut mettre ses lunettes et Piccoli qui l'empêche de les mettre et qui lui dit « mais je te raconterai si tu n'y vois pas ». Voilà, ce sont ces détails-là qui sont finalement les imperfections des êtres humains qui nous les font aimer a posteriori. Et le problème du couple Piccoli-Romy Schneider dans le film, les personnages, c'est qu'ils n'ont pas de passé. Donc, ils n'ont pas de souvenirs. Et donc ils sont condamnés à une sorte de perfection du présent parce qu'ils n'ont pas ces petits souvenirs de voilà la maison de l'île de Ré avec le papier peint qu'on posait, la table qui a été cassée, etc. Ils sont tellement condamnés à la perfection qu'ils n'y arrivent pas ensemble. Et elle le dit très bien d'ailleurs à un moment, Romy Schneider, quand Michel Piccoli lui dit « mais on n'a qu'à aller à l'île de Ré, qui est l'endroit où il a une maison avec son ex-femme, qui est la mère de son fils ». Et elle dit à l'île de Ré « oh non, moi je veux pas aller dans une île qui a déjà servi ». Elle rêve d'un nouveau départ, d'un présent absolu, et c'est ce présent-là qu'elle n'arrive pas à saisir avec lui. Absolument, mais c'est parce que c'est pas tellement... Le présent, ils arrivent à le vivre. C'est premièrement... envisager l'avenir, ça n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'elle, elle voudrait s'échapper dans un autre lieu, à Tunis, avec lui. Et lui est accroché à son passé qui le retient, et plutôt que, justement, de jouir du présent, disons, la société de consommation de la fin des années 60 demandait aux gens de faire, eh ben ça, il n'y arrive pas, il n'y arrive plus. Et ça, pour une chose très, très à la mode aujourd'hui, mais que Sauté ne formulait pas comme ça, mais qui est, à mon avis, au cœur des choses de la vie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. C'est-à-dire, vous savez, dans les problèmes de couple... Oui, je vois bien. Souvent, d'ailleurs, on dit que c'est la femme qui, dans le couple, a assumé la charge mentale parce que il y a la vie professionnelle, puis les enfants, puis la famille, etc. Et là, en fait, la charge mentale, elle est entièrement sur les épaules de quelqu'un qui a tout pour réussir, donc dont le présent devrait le contenter et le satisfaire pleinement, et qui est Michel Piccoli. C'est-à-dire que tout est merveilleux. Sa femme accepte l'idée qu'il y ait une maîtresse, son fils réussit, sa maîtresse est sublime et l'adore. Mais voilà, tout ça induit chez lui une charge mentale qui est insupportable et qui va le mener à quoi ? Eh bien, le mener à cet accident qu'inconsciemment il a souhaité, puisque l'accident, finalement, c'est la libération. C'est ne plus avoir à porter sur soi cette charge mentale et se laisser aller à être pris en charge par les autres. On est semi-inconscient dans le coma, et puis il y a les infirmiers, les médecins, l'hôpital, tous les autres qui vont vous prendre en charge. Quel soulagement! C'est de ça que parle le film aussi. Enfin, charge mentale ou poids mental, parce qu'en l'occurrence, son rôle n'est pas de penser aux choses, à la vie des autres pour leur venir en aide, mais c'est plutôt que lui est amoureux peut-être de deux femmes en même temps, même s'il semble qu'il aime plus trop son ex-femme, il est dans une situation compliquée, c'est plus que sa situation lui pèse et c'est un poids mental dont il veut se défaire. Oui, oui, mais aujourd'hui, quand on parle de charge mentale, on parle de charge mentale imposée par les autres. Alors que là, ce qui est génial dans le film, c'est une charge mentale que c'est lui qui s'impose à lui-même. C'est-à-dire que et c'est là que se profile l'idée de la société de consommation. C'est-à-dire que lui n'a appris qu'à consommer finalement. Et il consomme, et il n'a pas compris que tout ce qu'il avait consommé finalement l'alourdit. Vous parliez de poids et effectivement. Et quand on est alourdi, eh bien. Alors là, il y a l'autre métaphore intéressante qui est celle du fil de l'eau, du courant qui nous emporte, de la vie. Hein. C'est Jean-Loup Dabadie qui définissait le cinéma de Claude Sautet. Il disait les personnages de Sautet et la Piccoli justement incarne ça, mais merveilleusement parce que il imite Sautet. C'est que le protagoniste de Sautet est partagé entre le courant de la vie qui nous emporte et la nécessité de nager à contre-courant, ce qui fatigue. Et finalement, il ne rêve que d'une chose, c'est de plonger, enfin, de se noyer, de se laisser couler. Or, se laisser couler, c'est pas si facile que ça, même concrètement, même pendant le tournage. C'est-à-dire que la scène un peu rêvée où Michel Piccoli est en train de couler mentalement et qu'on le voit dans la mer couler, c'était tellement impossible à filmer tel quel qu'il a fallu équiper un homme grenouille qui était sous l'eau et avec une corde pour tirer Piccoli et pour qu'il s'enfonce verticalement. Voilà, comme quoi c'est pas facile de se laisser couler. Et donc, grâce à l'accident, ça devient facile de se laisser couler. C'est ça, finalement, la morale des choses de la vie. Là aussi, avec les choses de la vie, j'ai joué Sautet. Et avec Sautet, il y avait un mimétisme, comme ça. Pour donner un petit exemple, une fois, je devais jouer une scène où je vais me mettre en colère brutalement, très rapidement, et il était 8h du matin, au 7e étage d'un HLM en construction. Jouer la comédie dans ces conditions, c'est pas toujours facile. Et là, je me dis, comment je vais arriver à sauter le pas pour faire cette colère? Et j'ai tout de suite pensé à Sautet, et je me suis dit, je vais imiter Sautet, tout simplement. Et puis ça sera très bien. C'est un hyper écorché, avec des allures d'homme mûr, maîtrisant parfaitement ses sujets et sa caméra. Et l'ingénieur du son était en bas, au rez-de-chaussée du 6e étage, et toute l'équipe était là, et je commence à répéter la scène, et j'imite Sautet. Et tout le monde est monté là-haut pour dire, qu'est-ce qui se passe encore? Je sautais à une crise. Bien, et les box? Comment les box? Quelles box? Pour les voitures. Je sais bien que c'est pour les voitures. Vous n'avez qu'à regarder les plans. Je ne regarde pas les plans, cher ami, je regarde le chantier. Et je ne vois pas les box devant le bloc Richelieu. Les garages sont souterrains. En effet, dessus, il y a de l'herbe. J'aime beaucoup l'herbe, monsieur Barret. Mais vous savez très bien qu'on peut gagner une trentaine de box en surface sans que pour cela vos immeubles s'écroulent. D'ailleurs, la publicité est partie. Les immeubles sud et sud-est sont livrés avec box, ce qui permet de les changer de catégorie. Ça ne me paraît pas possible. Vous voulez rire? C'est décidé. Décidé par qui? Par qui? Par la société, par tout le monde. Mais pas par nous. Pas par moi. Moi, je vous dis que les gens qui regardent par la fenêtre verront les jardins et non pas les parkings. Je suis désolé. Mais si vous voulez relire votre contrat, vous verrez qu'il existe... Mais mon contrat, je peux vous le balancer par la figure. Moi, tant que je serai là, si je vois une cage là-bas sur la pelouse, je la fous par terre. C'est vous qui habitez ici? Non. Bon. Moi, je vais aller chez vous et je vais faire passer le tout à l'égout sur vos fenêtres. Mais arrête gueule. Si vous faites passer la publicité d'abord et les plans après, ça vous regarde. Bon, bon. C'est aussi pour ces scènes de colère que Michel Piccoli reste dans la mémoire des spectateurs français, hein, Bine, finalement, c'est ça. Et là, c'est émouvant de l'entendre dire que c'est en imitant Claude Sauté qu'il a réussi à trouver l'état de colère dans lequel il voulait se mettre pour ce rôle. Et puis en plus, c'est une répétition générale de la plus grande colère de Piccoli dans les films de Sauté, qui est celle de Vincent François Paul et les autres, ouais, devant Yves Montand. Qui en plus, il y avait une sorte de concurrence sur le plateau, donc à un moment ça explose. 3 ans plus tard, hein, c'est ça. Oui. Qui est d'ailleurs sera leur plus gros succès. Mais effectivement, alors voilà, il y a plusieurs choses. Il y a ce mimétisme. Claude Sauté est quelqu'un qui, de manière d'ailleurs parfois maladroite, comme un chef d'orchestre d'ailleurs qui ne sait pas jouer chaque instrument de l'orchestre, mais arrive à donner les intonations aux solistes. Claude Sauté est très, disons, rigoureux, méticuleux sur les intonations à donner. Mais une fois que c'est dit, voilà, après, il faut encore l'incarner. Et la chose la plus simple, c'est effectivement d'imiter le réalisateur, puisqu'on l'a entendu formuler les intonations en récitant lui-même le texte, d'ailleurs. Puis alors, il y a à ce point dans la carrière de Michel Piccoli, il y a une contradiction aussi qui est en train de se faire jour, c'est-à-dire que Michel Piccoli n'est pas un acteur qui est censé avoir réussi sa carrière à ce moment-là. C'est-à-dire il est très connu, mais il a un peu passé l'âge des héros du cinéma français. C'est pas Delon, c'est pas Belmondo, c'est pas non plus un patriarche. Donc il est à une sorte de frontière, de fragilité. C'est quelqu'un qui est connu de tout le public français parce qu'il a eu 12 millions de spectateurs en incarnant Don Juan de Molière à la télévision, mais au cinéma, qui n'a fait que des seconds rôles, ou parfois c'est des premiers rôles, mais de faire valoir, comme dans Le Mépris, c'est d'abord Bardot, et puis Michel Piccoli, et faire valoir. Et là, tout d'un coup, il a la maturité nécessaire pour jouer le rôle principal et le guide de tout un film. Et effectivement, ça va être une véritable renaissance pour lui, de la même manière que pour Romy Schneider, c'est la star internationale de Sissi qui veut changer, enfin qui veut montrer qu'elle est une femme déjà, et non plus une adolescente impératrice, et en plus qu'elle est une vraie actrice. Donc, et ça va. Alors, ça va évidemment advenir avec non seulement Les choses de la vie, mais le film à la fois jumeau et antagoniste des choses de la vie, qui est le film d'après, que Sauté conçoit quasiment en même temps que Les choses de la vie, qui est Max et les ferrailleurs, qui est en quelque sorte l'envers du décor BCBG des choses de la vie, qui va s'intéresser à des pervers, à des marginaux, une sorte de polar noir désespéré. Dans votre livre Sauté par Sauté, on peut lire cette citation de Michel Piccoli. Il dit « Ce fut un film important pour moi, puisqu'il fut suivi de 3 autres avec Claude. Certains de mes grands collègues ont dit alors « Maintenant, il faut compter avec Piccoli. » Jouer dans un film comme Les choses de la vie, très fragmenté dans la continuité, ne m'a pas troublé. Au contraire, ce qui m'a toujours passionné dans le cinéma, c'est ce travail chirurgical, mécanique, sur la façon de coller les morceaux. Et la question se pose de savoir ce qui est le plus intéressant. Voir la tête du comédien en train de mourir dans la voiture en gros plan ou une roue de bagnole qui s'échappe. Comment est-ce que vous qualifiez le jeu de Michel Piccoli, Bine ? Eh bien, vous l'avez, à mon avis, très bien rappelé. C'est-à-dire, moi, je me souviens quand j'avais interviewé Michel Piccoli, c'était en compagnie de Michel Simon, juste après la mort de Sauté. Il y avait une question que je lui avais posée qui était la question de la continuité. C'est-à-dire, que, est-ce que ça vous gêne? Souvent, les acteurs, ils aiment bien, comme au théâtre, de pouvoir construire un personnage du début à la fin du film dans la continuité du scénario, parce que le personnage évolue. Mmh. Et bien, Piccoli, il m'a dit, moi, c'est l'inverse. Moi, ce que j'aime bien, c'est la discontinuité. C'est-à-dire, c'est la fragmentation. Et ce qui est intéressant, c'est que la carrière de Piccoli avant Les choses de la vie, c'est une carrière fragmentée. Et à partir des choses de la vie, c'est un puzzle qui a toujours des pièces très différentes, mais qui s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres. C'est-à-dire que la même année, juste avant Les choses de la vie, il y a Dillinger est mort de Ferreri, qui est l'opposé absolu en termes de cinéma de l'œuvre de Claude Sautet. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est autour de la voiture et de l'accident que tous les témoignages de ces protagonistes du film tournent. À l'époque, on peut se rappeler aussi le texte de Roland Barthes dans La Mythologie, hein, sur la déesse, la nouvelle Citroën, et qu'à la façon qu'il a de décrire la voiture, c'est un peu ça qui se passe dans ce film-là. Quand Jean-Loup Dabadie, qui lui aussi nous a quittés il y a très peu de temps, quasiment en même temps que Michel Piccoli parle du film, il dit aujourd'hui, ça nous fait encore rire avec Piccoli, quand on s'entendait dire, qu'est-ce que ça peut faire aux gens l'histoire d'un type de 40 ans qui se casse la gueule en voiture? Et c'est ça qui intéressait Claude. Cette vie cassée à toute allure comme voiture avec des dérapages, etc. Comme si la voiture était vraiment l'angle du film lui-même. Mais en fait, la voiture, c'est le cinéma. Il y a une chose que Claude Sautet a découvert avec Les choses de la vie et qu'il va garder dans tous ses films, malgré les récriminations de son équipe et de ses producteurs et de ses acteurs, c'est ce qu'on appelle les transparences. Alors, ce qu'on appelle les transparences, c'est qu'on est dans une voiture qui est dans un studio. Parce que c'est très compliqué d'avoir des prises de vue intéressantes dans une vraie voiture. Donc on coupe une voiture en deux ou on la divise, etc., en fonction de ce qu'on veut filmer. Mais tout ça dans un studio fermé. Et puis alors derrière la voiture, on a un écran qui fait passer le paysage. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une métaphore de la vie filmée par Claude Sautet. C'est-à-dire qu'à travers les vitres, à travers le pare-brise, eh bien il y a le film d'une vie qui se déroule. Claude Sautet n'est pas le seul à avoir fait de la voiture une métaphore de la vie et du cinéma. Hein. Il y a Kiarostami, pour parler des auteurs plus contemporains, qui a fait exactement de la même manière un parallèle entre quelqu'un qui est dans une voiture et qui voit défiler le paysage et un spectateur qui est dans une salle de cinéma et qui voit défiler les images. Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'amuse et qui me fait hurler. Alors, peut-être qu'il ne faudrait pas que je le révèle, mais enfin, dans l'accident des choses de la vie, il y a un plan très court, à un moment, mais qui est ralenti, qui est le plan du pare-brise, justement, qui se brise, c'est le cas de le dire. Donc, c'est comme si, finalement, l'écran de cinéma nous explosait à la gueule. Et, à mon avis, Sautet, il tenait énormément à ce plan-là, ce plan où l'écran de cinéma, finalement, entre dans notre mental parce qu'il devient nous au moment où cette vitre se brise. On voit très bien, alors, mais revoyez le film, hein, maintenant c'est facile, on voit très bien que dans ce plan, qui a été tourné avec un cascadeur sans doute, les mains qui sont au volant ont des gants. Mais ça se voit, hein, c'est des gants comme on en portait à cette époque-là pour conduire une voiture, des gants en peau de daim. Et alors que dans le plan d'avant et dans le plan d'après, on voit très bien que les mains de Piccoli sont nues. Donc c'est un faux raccord, mais les faux raccords, ça n'embête pas du tout Claude Sautet. L'important, c'est l'impression, et on parlait tout à l'heure, dans la première phrase qu'on a entendue, il y avait le mot impression déjà. C'est l'impression que l'image va donner au public. Et donc, ne pas mettre ce plan, ce faux raccord, où la vitre se brise en mille éclats vers nous, c'était impensable pour Sautet, et au mépris de tout réalisme et de tout bon raccord, Sautet l'a mis dans le film. Je voudrais que vous m'aidiez, Bertrand, toi, Hélène, Aurélia, Bob, le médecin, le monde entier, parce que c'est affreux de mourir. Ce n'est pas le sort de tous, comme on dit ignoblement, c'est chaque fois un drame particulier. Pour moi-même, je suis unique. Je ne suis pas un homme sur des milliards qui va mourir. Je vous en supplie tous, faites quelque chose. Soyez ici, parlez, plaignez-moi. Quoi de plus important que ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que l'humanité si elle ne suspend pas son souffle quand un homme crève? Faites quelque chose. Tous. L'un de vous a peur. Je suis bien. Je crois que j'ai dormi longtemps, je suis bien. J'ai entendu. On va s'occuper de moi. J'ai eu peur dans l'herbe. J'ai cru que j'allais mourir. Si je m'étais tué, on aurait trouvé la lettre. On l'aurait donnée à Hélène. Il faut absolument que je la déchire. Je dirais à Hélène qu'il ne faut pas avoir peur des ambulances. On m'emmène, on me sauve la vie, on me parle. Je suis à l'hôpital, j'ai plus peur. Je crois qu'il y a du soleil. Ou de la pluie. Non, il y a un peu de soleil. J'entends les gens dans le jardin. J'entends même le vent. De mieux en mieux la lumière. C'est une merveille. Ils m'ont fait mal tout à l'heure. Encore à maman. Et puis je sors. Seulement mal au bras. Si vous en êtes d'accord, Bin, je vous propose qu'on ne révèle pas l'ultime dénouement du film, parce qu'il faut savoir, c'est lorsque on entend la voix intérieure de Michel Piccoli après l'accident, on vient de l'entendre, et j'ai lu un extrait du roman qui se situe à peu près au même moment. Dans le roman, d'ailleurs, il dit bien qu'il est terrifié à l'idée de mourir et qu'il veut le revoir ceux qu'il aime. Ici, il est presque béat d'être encore en vie, mais surtout, il a une inquiétude. C'est qu'au moment de prendre la voiture, il vient de s'engueuler avec Hélène et il a décidé de lui écrire une lettre de rupture. Et puis il change d'avis, il conduit, puis il se dit non, finalement je devrais l'épouser. Et au moment où il a l'accident, il se dit mais non, j'ai tellement peur de mourir seule, je ne veux pas la quitter, j'espère qu'elle ne trouvera jamais cette lettre que j'ai écrite et qu'il porte sur lui. Donc je ne dirai pas si on trouve la lettre ou non, si elle parvient à Hélène ou non. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est ça le dilemme à la fin, c'est qu'il sait qu'il va sans doute mourir et qu'il se rend compte qu'il ne veut pas mourir seul. Oui, et c'est ce qui est intéressant dans le film, c'est que malgré tout ce qui lui arrive, le personnage joué par Piccoli est conscient. C'est-à-dire, c'est pas comme s'il tombait dans une sorte d'inconscience ou d'amnésie. Au contraire, son état l'a rendu hyper conscient et hyper sensible à tout ce qui est arrivé avant, tout ce qui pourrait arriver après. Donc ça, c'est intéressant. Sautait. Alors, il y a une chose qu'on peut peut-être révéler, parce qu'elle est aussi dans le roman de Paul Guimard, dont la fin est différente du film. Oui. C'est que il y a Michel Bouju, dans un entretien, demandé à Sautet, il disait, il parlait des trois premiers films de Sautet, Classe tout risque, L'arme à gauche et Les choses de la vie, en lui disant, mais dans ces trois films, il y a un personnage qui meurt et vous refusez de montrer sa mort. Et Sautet répondait, non, je ne voulais pas la montrer. Pour moi, la représentation réaliste de la mort a quelque chose d'obscène. Ne pas la montrer provoque l'imaginaire, restitue la stupéfaction devant ce trou béant et lui donne sa vraie signification. Et puis, dit-il, un acteur mort n'est jamais mort. Et il rajoute, pour Les choses de la vie, on pourrait presque dire que, donc le personnage de Pierre, qu'il mourait heureux, disons soulagé. En arrivant à la clinique, il est rassuré, il se dit « Je suis content, on va s'occuper de moi ». C'est un état typiquement enfantin. Donc finalement, il y a une sorte de plaisir dans la régression aussi, voilà, du néant, pour ne pas avoir à affronter la vie. Mais ça n'est pas une réflexion existentielle. Oui. C'est-à-dire que ça n'est pas détaché des choses de la vie. Et c'est pour ça que cette lettre, justement, c'est pour ça que l'enchaînement des circonstances et ce qui pourrait arriver à cause de cette lettre, eh bien, on y pense et on a même une sorte de surdétermination et de sursensibilité à ce qui peut arriver dans la vie réelle alors qu'on est au seuil de la mort. Un acteur mort n'est jamais mort, je retiendrai cette phrase et on l'a dédiée à Michel Piccoli. Ntebine, merci beaucoup d'être venu, enfin d'être resté chez vous, mais de nous avoir parlé des choses de la vie de Claude Sauté ce matin. C'était un plaisir d'en parler avec vous et je renvoie les auditeurs à votre livre Sauté par Sauté qu'on trouve aux éditions de La Martinière. Avec Dominique Rabourdin. Merci Adèle. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là, France Culture, les chemins de la philosophie de Romy Schneider à Géraldine Mosna Savoie. C'est l'heure du journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler, pour bien commencer la journée, d'un plaisir peu avouable et même coupable, mais néanmoins beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Le plaisir de s'exploser les boutons. J'ai bien conscience de formuler à voix haute quelque chose d'impudique, de dégoûtant, et que beaucoup d'entre vous auront envie d'éteindre leur poste en entendant ça. Mais je l'affirme, il y a là un plaisir incontestable. Pourquoi ne pas vouloir exposer en public ce qu'on explose en privé ? Les comédons sont le résultat d'un excès de sébum qui obstrue les pores de votre peau et forment ainsi une poche qui peut s'enflammer et vous donner des boutons. Avec Équaton, plus de problème. Équaton est une lotion spécialement conçue qui nettoie et purifie votre peau et fait disparaître tous les points noirs. Et là, vous me dites, il reste un cratère. Depuis l'adolescence, j'ai développé un goût tout particulier pour les boutons d'acné. Je suis fascinée par ces excroissances et malgré l'âge passant et la stabilisation indéniable de mes hormones, l'apparition d'un bouton est toujours un événement paradoxal, entre contrariété d'être défigurée et perspective réjouissante de l'exploser. À l'image de cet événement à double face, en parler suscite toujours des divisions. La plupart appellent très vite à se taire, à cacher ce qui pourtant s'exhibe, crâne, nounargue, au milieu de la figure. Quand au contraire, certains s'enchantent qu'on mette enfin les pieds dans le plat et qu'on puisse disserter sur l'art de percer ses boutons, évoquant ses pires comme ses meilleurs souvenirs. Alors certes, ceux qui s'en enchanteraient, il faut le dire, minoritaires, et pour avoir lancé le sujet en plein repas familial, face aux mines déconfites et dégoûtées de mes proches, j'ai vite remballé mes réflexions sur ce plaisir pourtant fondamental à se faire la peau. Et je dois le dire, je ne comprends pas pourquoi. Les médias, les livres et nos conversations regorgent cette idée de soin, mais prendre soin, avec tout ce que ça comporte de banalité et d'impureté, ne serait pas exposé et exploré publiquement. Certes, il s'agit d'un acte qui ne concerne que soi, un acte cru et brutal. Mais d'où vient cette géométrie variable du soin? Le fait que le soin soit beau et louable dans l'idée, mais impudique, voire coupable, dans son accomplissement quotidien. La série continue. Durand a étranglé une femme dans un train de banlieue. Eh ben, ils ont fakir. Il est innocent, lui aussi. Mon pauvre Kiki. Pourtant, cette fois... T'as vraiment pas de chance. Ah, c'est décourageant. Tiens, je vais t'enlever des points noirs, ça te changera les idées. Fous-moi la paix. Rien qu'un. Laisse-moi tranquille, je te dis. T'en as au moins un kilo sur la figure. Ça grossit, puis après on a des trous. Aïe. Pour moi, Monsieur Durand n'habite pas la pension. Mais si, personne n'est entré ni sorti quand on a assassiné Mademoiselle Cuc. Mais dis, me fais mal. Bouge pas, bouge pas. C'est ta vermicelle. Ah, t'en as du vice. D'où vient cette pudeur et même ce dégoût à parler de ce qui bouleverse nos corps et se lit sur nos visages, à discuter de la manière dont on s'occupe de soi, dont on veut se montrer à l'autre, à débattre des normes qu'on intériorise et qui produisent en nous des sensations de gêne avec soi-même et aux yeux des autres quand on a un bouton sur le nez. En faisant des recherches, j'ai trouvé très peu de littérature sur le sujet, et seul m'est revenu cet extrait du film « L'assassin habite au 21 » d'Henri-Georges Clouzot. Pourtant, les boutons d'acné sont une expérience philosophique passionnante. Avec eux se jouent des problématiques aussi importantes que l'apparence et ses normes, le soin et ses stratégies privées, souvent brutales, le visage comme interface entre soi et les autres, le rapport à la saleté et à la purification, et la banalité de ce qui est parfois vécu comme un drame personnel. Ce qui me frappe ainsi le plus avec le bouton, c'est qu'il serait cette éruption d'une inadéquation entre soi et soi-même. Avoir un bouton sur le visage incarnerait une forme de trahison explicite, obscène de son corps, le stigmate du laisser-aller, la preuve d'un manque de maîtrise. Comme les règles, les kilos ou les poils, l'acné révélerait la place que prend le corps et qu'on ne voudrait pas lui laisser, sa part impure qu'on ne voudrait pas lui voir avoir. Et là arrive le paradoxe. Les sales habitudes qu'on développe avec son corps pour le lisser, l'assainir et l'adoucir ne seraient pas non plus exposables. Comme si parvenir à la pureté n'était pas non plus une intention avouable, une intention pure. Me voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait du mauvais sang. Je me suis fait une bonne onguin, la guérite n'a pas grand temps. Puis j'en ai sur le bout de la langue et qu'il m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer. J'ai un clou sur le nerf du cou qui est aussi grand que 30 sous. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un autre sur le bord de l'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'il ternisse pas sans garantie 14 garants. Puis j'en ai un sur le bout de la langue et qu'il m'empêche de turluter. Ça me fait bégayer. Plus qu'un paradoxe, il y aurait même, je crois, là un comble. Il faudrait qu'il existe une pureté sans purification. Quand on y pense, quelle mauvaise foi. Car c'est comme s'il fallait que nos enveloppes charnelles soient données parfaitement telles quelles, sans avoir à faire un geste ni à lever le petit doigt. Comme si la pureté de son visage, de son corps, de ses cheveux, de ses poils et de sa peau devait être un fait, un donné et pas un travail. Il faudrait qu'il existe le soin sans soin, qu'on ait l'air soigné sans le faire, qu'on soit plaisant à regarder sans pourtant trouver un plaisir, sinon coupable, à se percer les boutons, à s'arracher les poils, à contempler nos cicatrices, à se compter les cheveux ou à se presser la peau pour en voir la cellulite. On voudrait que nos corps soient parfaits, intouchables, mais donc aussi oubliables et négligeables. Et si le soin, c'était alors aussi ça, quotidien, sale, cru, mais un rappel salvateur que nos corps existent ainsi. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions. Aujourd'hui, Manon de la Selle avec Isis Jourda, Anaïs Isbert, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette semaine sur Michel Piccoli et la prise de son aujourd'hui c'était Élise Le. Merci au CDM de Radio France qui permet d'assurer la liaison. Demain, suite de cette série autour de Piccoli, demain ce sera Marc Rosmini qui viendra vous parler de la grande bouffe. Soyez prêts. D'ici là, sachez que vous pouvez télécharger cette émission, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et sachez également que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. On est toujours ravis de vous lire. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.